Chant numéro 27. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, fut le chant qu'au paradis j'entendis commencer, si doux que ses accents étaient comme une ivresse. Ce que j'apercevais me paraissait un rire de l'univers, si bien que cette même ivresse pénétrait à la fois par l'oreille et par l'œil. Ineffable allégresse, ô bonheur, existence qui n'est faite de rien que d'amour et de paix, ô richesse certaine où manquent les envies. Comme devant mes yeux se tenaient allumés les quatre feux, l'un d'eux, le premier arrivé, s'était mis à briller d'un bien plus vif éclat, et son aspect fut tel que serait devenu Jupiter si lui-même et Mars étaient oiseaux et venaient d'échanger tout à coup leur plumage. Et ce divin pouvoir, qui répartit les actes et les emplois là-haut, avait de toutes parts au cœur des bienheureux imposé le silence, quand j'entendis parler. Si ma couleur se change, ne t'en étonne point, car pendant que je parle, tu verras que les autres changeront à leur tour. Celui qui sur la terre usurpe et tient ma place, oui, je dis bien ma place, qui demeure en ce moment vacante aux yeux du Fils de Dieu, de mon propre sépulcre, a fait une cloaque de pourriture et sang, qui fait que le pervers qui tomba d'ici haut dans son repaire en rit. Je m'aperçus alors que le ciel se couvrait de la même couleur dont le soleil habille le matin et le soir le nuage opposé. Et comme en conservant l'assurance à part soi, rougit l'honnête femme et perd sa contenance, entendant le récit des errements d'une autre, Béatrice changeait-elle aussi de visage. Je crois que dans les cieux, l'éclipse était pareille, lors de la passion du suprême pouvoir. Puis, je pus écouter la suite du discours, mais faite d'une voix d'autant plus altérée que son aspect visible demeurait inchangé. Non, l'épouse du Christ n'a pas été nourrie de mon sang, de celui de l'un et d'Anaclet, pour l'employer ensuite à ramasser de l'or. Mais c'est pour acquérir ce bonheur éternel que Sixte, ainsi que Pie et Calixte et Urbain ont versé tour à tour leurs larmes et leur sang. Nous n'avons pas voulu que du peuple chrétien, nos propres successeurs composent deux parties, plaçant l'un à leur droite et l'autre à leur main gauche, ni que ces saintes clés dont j'avais eu la garde sur un drapeau guerrier puissent servir d'enseigne pour conduire au combat contre d'autres chrétiens, ni que l'on fît de moi pour quelque privilège mensonger ou vendu la figure d'un sot qui m'a fait flamboyer et rougir bien des fois. Sous l'habit des pasteurs, on aperçoit d'ici rôder parmi les prés les loups les plus rapaces. Ô justice de Dieu, pourquoi tant sommeiller? Caorsin et Gascon préparent leur boisson de notre propre sang. Ô bon commencement, dans quelle triste fin te faudra-t-il sombrer? Pourtant, le même ciel qui produisit à Rome Scipion, défenseur de la gloire du monde, y portera remède à ce que je prévois. Et toi-même, mon fils, que ton poids de mortel doit ramener sur terre, ouvre grande la bouche, dis tout haut ce que moi je ne t'ai point caché. et comme dans nos airs foisonne vers le bas la vapeur congelée, au moment où la corne de la chèvre du ciel a rejoint le soleil, ainsi j'ai vu l'éther se peupler tout à coup et voler vers le haut les vapeurs triomphantes qui faisaient jusqu'alors leur séjour près de nous. Ma vue en poursuivit les évolutions et les accompagna pendant que la distance ne dressa point de mur qu'elle ne put franchir. Madame, en ce moment, voyant que mon regard ne cherchait plus le haut, me dit « Abaisse donc tes yeux pour mesurer le chemin parcouru. » Depuis l'heure où j'avais tout d'abord regardé, je vis comme déjà j'avais couru tout l'arc que fait du centre au bout notre premier climat. Au-dessus de Gadès, je contemplais d'Ulysse la folle traversée, et en deçà, la rive qui d'Europe jadis reçut le doux fardeau. J'aurais pu découvrir davantage, sans doute, de ce petit lopin, mais j'avais le soleil sous mes pieds et à plus d'un signe de distance. Mon esprit amoureux, qui ne fait qu'adorer Madame à chaque instant, plus que jamais brûlait, pressé de ramener sur elle mon regard. Si la nature ou l'art ont réuni des charmes, ou dans la chair humaine, ou bien dans la peinture, pour toucher droit au cœur par le plaisir des yeux, tous ces attraits unis paraîtraient moins que rien face au divin plaisir qui m'envahit soudain lorsque je me tournais vers son riant visage. Et alors la vertu qui vint de son regard m'arracha tout à coup au beau nid de Léda, me poussant vers le ciel qui tourne le plus vite. Sa zone la plus proche et la plus élevée était partout pareille, et je ne saurais dire où choisit Béatrice une place pour moi. Mais elle, qui voyait ma curiosité, se mit à m'expliquer, riant si bellement qu'on aurait dit que Dieu riait sur son visage. La nature du monde, immobile en son centre et où tous les objets tournent autour de lui, commence dans ce point qu'on peut dire sa source. Quant à ce ciel lui-même, il n'a pas d'autre lieu sinon l'Esprit divin, duquel prennent leur feu, la vertu qu'il répand et l'amour qu'il le tourne. La lumière et l'amour font son cercle, qui ceint les autres à son tour, et celui seulement qui le contient en lui peut le comprendre aussi. Son mouvement n'est pas mesuré par les autres. Les autres, au contraire, y prennent leur mesure, comme 10 est formé de 2 moitiés de 5. Et de quelle façon le temps a ses racines dans ce texte, et comment ses feuilles sont dans d'autres, tu peux dorénavant le voir plus clairement. Cupidité qui met les hommes sous tes pieds, tellement qu'aucun d'eux ne peut plus, par la suite, élever le regard au-dessus de tes flots. La bonne volonté, certes, fleurit en nous, mais la pluie incessante intervient pour changer en simples avortons les prunes véritables. L'innocence et la foi ne se rencontrent plus que chez les tout-petits. L'une et l'autre s'enfuient bien avant que la barbe apparaisse au menton. Tel je n'ai autrefois lorsqu'il les balbutiait, qui dévore plus tard la langue déliée, n'importe quel manger, sans voir le calendrier. Tel apprit à parler dans l'amour de sa mère et lui obéissant, qui lorsqu'il a grandi, souhaiterait plutôt l'avoir ensevelie. C'est ainsi que la peau devient de blanche noire, aussitôt qu'apparaît la fille de celui qui vous fait le matin et vous laisse le soir. Pour toi, pour que cela ne te surprenne point, songe que l'on n'a pas qui gouverne sur terre, et c'est là ce qui perd la famille des hommes. Mais avant que l'hiver n'ait perdu janvier, à force d'oublier les centièmes, Là-bas, les cercles d'ici haut rugiront tellement qu'enfin cet ouragan longuement attendu retournera la poupe où se trouvait la proue, en sorte que la nef cinglera droit au port et que les fruits tiendront la promesse des fleurs.